Praise the Lord. Alléluia. Acts 2. Acte des Apôtres. Wir lesen die Geschichte in Apostelgeschichte 3. Acte 3. And Peter fastened his eyes upon him with John, said, look on us. You see that? Vers 4. Concentration must be there. Vers 4, da blickten ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach sie uns an. Sie haben auf ihn geschaut, um sich auch auf ihn zu konzentrieren. Pierre de même que fixa Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous. Donc ils ont fixé les yeux sur cet handicapé pour se dire pour se concentrer. Ils ont dit que regarde-nous, ta concentration doit être vers nous. Amen. You know, to pray and close your eyes have nothing to do with God. It has a lot to do with you. That you know to take away distraction, to help your focus. And you get it. To be connected. Und beim Beten die Augen zu schließen, hat sehr, sehr wenig mit Gott zu tun. Es ist nicht etwas, was Gott befohlen hat, dass man irgendwie die Augen schließen muss, wenn man betet, sondern es hat sehr viel mit dir zu tun. Denn das Schließen der Augen hilft dir, dich zu konzentrieren und deinen Fokus auf Christus zu haben und auf die Sache zu haben, wofür du betest. Et quand tu pries en langue et quand tu pries en général et puis tu fermes les yeux, ça n'a rien à faire avec l'Éternel. Tous les gens pensent que ça a à faire avec Dieu, mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Ça a à faire avec toi-même. Ça t'aide toi-même à être concentré, à être focalisé et de ne pas laisser toutes sortes de distractions pour te distraire, pour enlever ta concentration vers Jésus-Christ. Tu vas voir un oiseau qui est en train de voler et puis tu commences à dire ah cet oiseau est beau pendant que tu parles en langue, ça c'est pas bien en fait. Praise the Lord. Alléluia. Closing your eyes is the physical part of it, but your mind is the spiritual part of it, that you allow to be Christ. I hope you get it. Die Augen zu schließen ist sozusagen der physische Teil, den du machst, aber dass dein Verstand auf Christus fokussiert ist. Das ist der geistliche Teil, der erforderlich ist, damit dein Verstand mit deinem Geist kooperieren kann. Quand tu fermes les yeux, ça c'est la partie physique de ta concentration. Mais dans ton âme, tu dois vraiment penser à l'Éternel, à la vérité, pour avoir vraiment l'effet de la vérité. Praise the Lord. Again, closing your eyes has nothing to do with God, but you. So also is your fasting. Amen. Und genauso wie das Schließen der Augen nichts mit Gott zu tun hat, sondern mehr mit dir, ist es auch mit dem Fasten. Es hat weniger was mit Gott zu tun, sondern macht was mit dir. Et tout comme quand tu es en train de faire des jeûnes de prière, ça n'a rien à faire avec l'Éternel, ça a à faire avec toi-même. Amen. Praise the Lord. And you know, you can pray with your eyes being open. But what matters is that your soul is there's concentration in your mind, the middle part. Und du könntest sogar mit geöffneten Augen beten. Allein was wichtig ist, ist, dass dein Verstand vollkommen auf Christus fokussiert ist und deine Konzentration auf Christus allein liegt. C'est pas grave si je prie avec les yeux ouverts. Mais la chose, l'importance est que ta concentration soit vraiment, réellement à la vérité de Jésus-Christ. Fasting does not move God but you. Und Fasten bewegt nicht Gott, sondern es macht was mit dir, es bewegt dich. Quand tu es en train de jeûner, un jeûne de prière, ça ne bouge pas l'Éternel, ça te bouge toi-même. If you look at Satan, he is expert in copy. Und wenn wir uns den Satan angucken, wissen wir, dass er der Experte ist von Sachen kopieren und Sachen verfälschen. Et si tu vois par exemple le diable le diable par exemple, il est vraiment expert en copier les histoires, il est en train de copier tout. You got it. You pray, they pray. The religious people, they pray. The Bible, the Jesus said they love to pray. Weil wir beten und religiöse Menschen beten auch. Satan also prays. Und Satan betet auch. Le diable est vraiment en train de copier tout. nous on prie, nous on prie et le diable prie aussi. Religious people pray. Religieuse Menschen beten auch. Les gens religieux eux aussi ils prient. Amen. Amen. You fast, they also fast. Und du fastest und sie fasten auch. Tu fais des jeûnes du prix, du jeûne et les gens religieux jeûnent aussi. Wir lesen Matthäus 9. Matthieu 9. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. They came to him, the disciples of John, saying: Why do we and the Pharisees fast oft, but your disciples fast not? They will fast more than you. What they call fasting. Und die religiösen Menschen fasten sogar mehr als du. Alors les disciples de Jean virent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc ça veut dire ça te faire voir que les pharisiens, les gens religieux, même les démons sont en train de jeûner. Und auch heute könnten sie das zu Jesus sagen, dass sie fasten die ganze Zeit und warum fasten deine Leute nicht, Jesus? Et même les gens religieux, les gens peuvent dire ça aujourd'hui aussi à Jésus-Christ, mais pourquoi nous on fait des jeûnes et tes enfants ne sont jamais en train de déjeuner? Nous on jeûne aussi presque. Jesus did not say we don't fast. Amen. Amen. Look at verse 15. And Jesus said unto them, Can the children of the bridegroom chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then they shall fast. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We fast all the time. Wir fasten die ganze Zeit. Jésus-Christ répondit, les amis de l'époux... Oui, bon, en fait, nous, on jeûne toujours. Amen. Rejecting unbelief, doubt and fear is fasting. Dass wir zweifeln und Angst und Unglaube verweigern, das ist unser Fasten. Notre jeûne de prière, c'est quand on est en train de rejeter la peur, rejeter l'incroyance. Amen. Amen. We fast all the time. Paul said, I labor more than all of you put together. Und wir fasten. We labor to believe Christ. We fast to believe Christ. Und wir fasten die ganze Zeit. Not without food. Amen. Not as they fast. Mm-hmm. For them it's all about food. For us it's about Christ. Mm-hmm. Und wenn sie fasten, fasten sie, indem sie auf Essen verzichten. Aber wir fasten im Geiste, denn wir fasten und kämpfen dafür, Christus zu glauben. Et quand eux sont en train de jeûner, ils jeûnent ils sont affamés en fait. Non, ils disent qu'on va pas manger aujourd'hui. Mais nous, les enfants de Dieu, quand on est en train de jeûner, on est en train de jeûner contre l'incroyance, contre les doutes et contre pour ne pas douter l'Éternel en fait. C'est ça notre vrai jeûne. Et ça, on le fait chaque jour, pas comme eux. Une fois après 3 mois, ne pas manger pour une semaine. Verse 16 and 17, Jesus now talk about the old and the new fasting. Und in Vers 16 und 17 spricht Christus vom alten und vom neuen Fasten. That they are different. You cannot add them. Dass es zwei unterschiedliche Sachen sind und die kannst du nicht miteinander vergleichen, geschweige denn vermischen. Verset 16 et 17, l'Éternel parle là du nouveau jeûne. Et que ce sont deux choses différentes que tu ne dois pas mélanger. You see that? Mm. It's a normal put out a piece of new clothes into an old garment. For that which is put in to fit it up, take it from the garment, and the rent is made worse. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottle breaks. and the wine runneth out, and the bottle perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you get it, please. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. You know, Satan is expert in copy. Der Teufel ist ein Experte, wenn es darum geht, Dinge zu verfälschen und Sachen zu kopieren. Le diable, lui, il est vraiment un maître de copiage. You speak in tongues, they also speak in tongues. Il copie toutes les histoires, en fait. Ils sont par exemple nous en prie, sorry. Par exemple nous en prie en langue, eux aussi prie en langue. Du sprichst in Zungensprachen und sie sprechen auch in Zungensprachen. Amen. Christianity tongues is not of Christ. Und die Zungensprache des Christentums ist nicht Christus. Et le prier en langue des chrétiens, c'est pas le Christ. Und kommt auch nicht von Christus. Ça vient pas aussi de l'Éternel. Amen. It's not coming from Christ. Es kommt it's not coming from the Holy Spirit. Und es kommt nicht vom Heiligen Geist. Le parler en langue des chrétiens, ça vient pas du Saint-Esprit. Because they don't have the Holy Spirit in them. Denn sie haben den Heiligen Geist nicht in parce sich. Parce que eux, ils ont pas le Saint-Esprit en eux. Amen. Amen. If you go to Nigeria, tongues are everywhere. Wenn wir beispielsweise. But the question is, where is it coming from? Wenn wir uns beispielsweise Nigeria anschauen, gibt es 1000 Menschen, die in Zungensprache sprechen. Aber die Frage ist, wo kommt diese Zungensprache her? Ist es von Christus oder ist es vom Satan? Si on part en Afrique ou bien en Nigeria, tu vas voir, il y a beau en Afrique, tout le monde parle en langue. Mais la question est que c'est de quelle langue ils sont en train de parler? Est-ce que ce parler en langue vient du diable ou de l'Éternel? There is nothing like tongues without the truth. Es gibt eigentlich keine Zungensprache. It means tongues without Christ. Christ is the truth. I am the way, the truth and the life. John 14, verse 6. Es gibt keine Zungensprache ohne Christus, ohne das Leben. Und das Leben allein ist Jesus Christus. The truth. Und ohne die Wahrheit, die auch Jesus Christus allein ist. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Il n'y a pas de parler en langue sans la vérité, sans Jésus Christ lui-même. Parce que lui dit que c'est moi qui ai la vie et la vérité. Our tongues is so different. Deswegen ist unsere Zungensprache komplett anders von das, was sie sprechen. Denn unsere Zungensprache ist Christus selbst. Et c'est pour cela que notre parler en langue, c'est vraiment différent de ce monde. Parce que notre parler en langue, c'est le Christ lui-même. You shall know them by the truth, how they love the truth. If they will even love the truth. If they will want to embrace the truth. Und du sollst und wirst sie anhand der Wahrheit erkennen. You will know them by the humility. Humble before Christ. To humble yourself. Christ is the Holy Spirit. That's Christ himself is the power behind his own humility. Without humility, you are not there at all. That's why I say you have to be converted and be like this little child. Und du erkennst sie anhand ihres Grades der Demut, denn es ist Christus selbst, der Geist selbst, also Christus hat seinen eigenen Geist der Demut und anhand der Demut von Christus wirst du die wahrhaftigen Kinder Gottes auch erkennen, denn die Leute, die nicht zu Christus gehören, werden überhaupt gar nicht in der Lage sein, sich Christus zu demütigen. Et la Bible nous dit que c'est à travers leurs fruits que tu vas les reconnaître, ça signifie que tu vas les reconnaître à travers leur humiliation, comment se humilier. Et les enfants de Dieu, eux, ils sont toujours prêts à s'humilier. Mais les religieux, eux, ils sont vraiment très fiers. Ils sont vraiment... ils sont vraiment très orgueilleux. Et ils ne sont pas capables à s'humilier. Et là, tu vas connaître si... tu vois, c'est à travers ça, à travers ce fruit que tu vas les reconnaître. Praise the Lord. Alleluia. We are never the same. Oh, wir sind nicht zu vergleichen mit diesen Menschen. Nous ne sommes pas comme eux. We might do, you know, what we do and what they do may be similar. Das, was wir might tun look similar. Und das, was religiöse Menschen tun, mag vielleicht vom Außen betrachtet ähnlich aussehen. Ce que nous on fait, ce que eux ils font, ça semble pareil. Whatever Jesus say or do are all good. All das, was Jesus tut und sagt, or do. Ist gut. Tout ce que Jésus-Christ dit ou il fait, ça c'est toujours bien. Example, the rich young ruler, Mark 10. Beispielsweise in Markus 10, der reiche Jüngling. Par exemple, en Marc 10, le jeune homme qui était riche, le jeune homme riche. Amen. Amen. You know, as he left Jesus, you know why he left Jesus? He left because Jesus asked for his money. Mm-hmm. And he went away so sad. Mm-hmm. You know, as he left their commission, mm-hmm. and you know, maybe before he went to Jesus, he might have told somebody, I'm going to Jesus. Then that person now, he's left, now he's, he finished with Jesus, he's returning back to that person. Then that person will say, how far? How was it? And this man, if he's going to say to this man, if he's going to give this man what Jesus gave him, he's going to say, it's all about money. I don't know if somebody's getting it. Mm. It's all about money. Und wir erinnern uns an die Geschichte in Markus 10 vom reichen Jüngling. Er hat Jesus Christus verlassen und ist gegangen und war betrübt, als er Jesus verlassen hat, weil Jesus Christus zu ihm gesagt hat, er soll alles verkaufen, was er hat. Und wenn wir uns beispielsweise vorstellen würden, dass dieser reiche Jüngling zuvor mit einer Person gesprochen hat und dieser Person gesagt hat, ich gehe zu Jesus Christus, und daraufhin zu dieser Person wieder zurückkehrt und die Person fragt, hey, wie war es, als du Jesus getroffen hast, würde diese Person wahrscheinlich sagen, boah, ich bin voll enttäuscht, weil es ging die ganze Zeit nur ums Geld. Er wollte mein Geld haben, er will mein Geld klauen und hat gesagt, ich soll alles verkaufen. Und so sind diese Menschen sozusagen in den Gedanken drauf, dass die direkt denken, dass es um das Physische geht, dass es um das Geld geht. Donc, imaginez-vous, cet jeune homme riche, lui, il devrait partir chez Jésus-Christ. Imaginez-vous s'il avait raconté à quelqu'un, bon, moi, je pars maintenant chez Jésus-Christ. Et on sait que quand l'Éternel lui a dit que tu dois tout vendre, tout donner aux pauvres, il était vraiment très déçu, il était triste, il est rentré à la maison. Imagine-toi maintenant qu'il rencontre la personne qu'il avait déjà dit que ah, je pars chez Jésus-Christ, et la personne lui dit, mais comment ça a été chez Jésus-Christ? Il va dire à la personne, mais moi, je suis déçu parce que j'ai vu Jésus-Christ, j'ai cru en lui, je suis partie vers lui, mais lui, il veut seulement mon argent, il veut tout mon argent en fait. Lui, Amen. Il se préoccupe que de l'argent. Et c'est que les gens aujourd'hui font aussi. Praise the Lord. Alléluia. Jesus never cared. Just as I never cared. Aber Jesus war sein Geld komplett egal. Genauso wie auch mir diese ganzen physischen Sachen komplett egal sind. Jésus-Christ, lui, ça, il s'intéressait pas à toutes ces choses-là, tout comme moi aussi, je m'intéresse pas à toutes ces choses. Jesus never cared because all he say or do are good. Denn alles, was er sagt und alles, was Jesus tut, ist gut und ist richtig. Jésus-Christ, lui, ça l'intéresse vraiment pas parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est toujours bien. He did not care how they were going to see it. Und ihm war es total egal, wie der reiche Jüngling die Sache sozusagen sehen würde oder wie der es interpretieren würde. Jesus hat sich gar nicht darum gekümmert. Et Jésus-Christ, lui, ça ne l'intéressait pas comment les gens vont l'interpréter ou bien qu'est-ce qu'il va raconter aux autres personnes. Ça ne l'intéressait pas. Il a dit la vérité comme elle est. What are they going to say, those that are going to hear it? Oder er hat sich keine Gedanken darum gemacht, was die Leute wohl sagen würden, wenn sie das mitbekommen und wenn sie das hören werden. Il ne s'est pas intéressé à ce que les gens vont penser dès qu'ils vont écouter que l'opinion du jeune homme riche. Are you not happy for Jesus to tell you to give him all you have? Bist du nicht glücklich darüber, dass Jesus von dir verlangt, ihm alles zu geben? Tu n'es pas heureux que l'Éternel Jésus-Christ veut que tu puisses lui donner tout ce qui t'appartient? It is a privilege to be there for Jesus. Es ist ein Privileg für Jesus Christus da zu sein. Amen. Und es sollte dich mit Freude erfüllen, c'est dich nicht traurig machen. Amen. C'est un privilège pour être là pour Jésus Christ. Ça ne doit jamais être une préoccupation. But because we always separate God's children from Christ, there's always this separation. And that's why we labor. It's like suffering to be there for Christ. Mm. Aber weil wir leider so oft Christus von wahrhaftigen Kindern Gottes trennen, ist es so, als ob wir darum kämpfen würden, für Christus da zu sein. Aber wenn wir für Kinder Gottes da sind, sind wir auch für Christus da. Mais toujours, mais en quelque fois, on les voit comme préoccupation parce que on est toujours en train de séparer Jésus-Christ des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on voit les histoires qu'on fait pour Jésus-Christ ou bien pour les enfants de Dieu comme une préoccupation. You know, the ministry, for example, let me give it to you. Amen. This ministry is Christ, and Christ is this ministry. Amen. Diese Gemeinde beispielsweise ist Christus Jesus, und keiner kann Christus Jesus von dieser Gemeinde trennen. Cette église, par exemple, c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut séparer Jésus-Christ de cette église. And Christ is saying to you, give me everything. Und Christus sagt, is it not a privilege to be there for Christ? Und Christus sagt, gib mir alles, was du hast. Und ist es nicht ein Privileg, dass Christus das von dir verlangt? Das sollte uns mit Freude erfüllen. Et Christ, le Christ te dit que donne-moi tout. Mais est-ce que ça, c'est pas un privilège si Christ le dit de lui donner, de le rendre tout ce que tu... You know why you see it as a burden. Und weißt du, wieso du das als Last für dich siehst? Die Tatsache, dass du, dass Christus das sozusagen von dir verlangt? Et tu sais pourquoi tu le vois comme une préoccupation de faire ce que l'Éternel te dit de faire ou de lui donner tout ce qui t'appartient? Because you separate the ministry from Christ. Du siehst es als Last, weil du die Gemeinde von Jesus Christus trennst. Tu le vois comme préoccupation parce que tu es en train de séparer l'église du Christ. If you really know that it is Christ that is saying, give me everything, you will give. You will be there. Und wenn dir klar wäre, dass es wahrhaftig Christus ist, der zu dir sagt, gib mir alles, was du hast, dann würdest du auch geben wollen. Mais si tu savais c'est vraiment, que c'est vraiment Jésus-Christ qui te dit, donne-moi tout ce que tu as, tu vas vraiment tout donner. It is a pity that some of us are not even different from them. Und es ist eine Schande, dass einige von uns gar nicht anders sind als die religiösen Menschen. Et c'est vraiment triste que oui, quelques d'entre nous ne sont pas différents des gens religieux. Because we do not know who we serve. Weil wir nicht wissen, John 3, wen go wir dienen. Parce que nous, on sait pas qui on est en train de servir. Wir gehen zu Johannes 3. On va lire Jean 3. Praise the Lord. John 3. Amen. Jean 3. Verset 11. Johannes 3, Vers 11. Jean 3, verset 11. He said, verily, verily, I say unto you, unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. Then go to John 4, please. Und jetzt Johannes 4. Et non, Jean 4. John 4, Vers 10. Johannes 4, Vers 10. Jean 4, verset 10. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said unto thee, give me to drink, thou wouldest have asked him of him, and he would have given thee a living water. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te le dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jesus is saying to her that you don't know anything. Jesus sagt hier zu der Frau, look at verse 22. Dass sie nichts weiß, dass sie von nichts eine Ahnung hat. Jésus-Christ dit à cette dame qu'elle ne sait pas de quoi il s'agit ici. Et tu peux voir ici à verset 22. Wir lesen Vers 2. He said, you worship, you know not. Also 22. You don't even know who you worship. Also. Amen. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr wisst noch nicht mal, was ihr anbetet. Et elle dit ici à verset 20, il dit aussi à verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Et nous, nous adorons ce que nous, on connaît. And you don't know me. Verse 10, again. Amen. You don't know me. You don't know me. If you know that I am the one asking you for this very thing, you will do everything, even more than I ask you to do. Und Jesus sagt zu dieser Frau, dass wenn du wissen würdest, wer ich bin, dann würdest du mich sogar um mehr bitten als das, was du hier gerade vor dir siehst. Et c'est pour cela l'Éternel dit que toi tu ne connais pas qui est ton Dieu, parce que si tu connaissais à qui tu as affaire aujourd'hui, tu allais me demander à moi de t'aider ou bien de te donner de l'eau vive. It is a pity that some of us, some of God's children are still in that level. Und es ist wirklich zu bemitleiden, dass einige Kinder Gottes immer noch auf diesem Level sind, auf diesem Niveau sind, wie von dieser Frau. Et c'est vraiment pitoyable de savoir qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans ce niveau-là, comme cette femme. Where we see that being there for Jesus is like paying debt. Wo die Menschen die Tatsache, also wo die Menschen sozusagen das für Christus da sein als eine Last sehen oder das Haus Gottes zu segnen als eine Last sehen. Là où les gens pensent que donner à l'Église est comme oui c'est comme comme une charge en fait. Ils se disent ok oh, encore ce mois je dois encore donner à l'Église. Praise the Lord. Hallelujah. He says, you give me the natural, I'll give you the supernatural. Mm. Denn er sagt, wenn du mir das Natürliche gibst, gebe ich dir das Übernatürliche. Jésus Christ, il te dit ici, amen. Il te dit ici que si toi tu me donnes le naturel, moi je veux te donner le surnaturel. Mm. He asked this woman for the natural water. He said, but I have the supernatural to give you. Denn Jesus hat die Frau nach dem natürlichen Wasser gefragt und hat ihr aber gleichzeitig gesagt, ich habe übernatürliches Wasser, was ich dir geben kann. Jésus Christ a demandé à cette dame de lui donner de l'eau naturelle et lui il a dit que j'ai de l'eau surnaturelle à te donner. He wants us to know who we are there for. Und er möchte, dass uns klar wird, für wen wir da sind, und wir sind da für ihn. Il veut qu'on puisse comprendre pour qui nous sommes là, parce que nous sommes là pour lui. Praise the Lord. Amen. It is also a pity that we are still like this. 1 John 3. Wir lesen 1. Johannes 3, 1 Jean 3 und sehen, dass es auch eine Schande ist, dass einige von uns immer noch so sind wie die Leute aus 1. Johannes 3. On va lire 1 Jean 3 et on va voir comment c'est pitoyable que quelques entre nous sont comme ça. Vers 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Amen. Therefore, the world knoweth us not. Some of us are still of the world. That's why we don't know when Jesus is speaking. Und einige von uns sind immer noch hier auf dieser irdischen Welt verwurzelt und deswegen erkennen wir nicht, wenn Christus zu uns spricht. Et quelques d'entre nous ne connaissent pas sa propre identité et ne se voit pas soi-même aussi à comme l'Éternel, c'est pour ça qu'il ne sait pas qui parle avec lui. Amen. Avec l'Éternel leur parle. Comme l'Éternel leur parle, merci. You will even be praying that another month ends so that you'll be there for Jesus again. Und diese Menschen würden sogar dafür beten, If you know that he is the one that you are responding to. Und wenn dir klar wäre, dass es Christus ist, zu dem du antwortest oder dem du sozusagen für die du diese Sache machst, würdest du sogar dafür beten, dass der Monat schnell endet, damit du wieder für Christus da sein kannst und wieder das Haus von Christus segnen kannst. Si tu savais vraiment que il s'agit de Jésus-Christ, tu allais même prier pour que le mois prochain puisse être directement là pour bénir la maison de l'Éternel. You know, some of us are so tired of celebrating him. Because to be tired of another bad day again. One again. If Jesus says celebrate me 24/7, is it too much? Und einige von uns sind sogar richtig erschöpft davon, jedes Wochenende Christus zu feiern und denken sich, boah, schon wieder eine Geburtstagsfeier, schon wieder irgendeine Feierlichkeit, schon wieder etwas. Aber wenn Christus dir sagen würde, dass du ihn jeden Tag 24/7 feiern sollst, wäre das dann nicht was Schönes? Wäre das nicht was Gutes? Ja, und il y a quelques entre nous qui se disent que ah oh oui, encore qu'il y a encore quelqu'un qui a son anniversaire, encore un anniversaire, encore un anniversaire. Mais si c'est tu réalises que c'est Jésus-Christ qui veut te dire que tu dois me célébrer chaque jour, tu auras hâte de célébrer avec l'Éternel. I always say that we will go everywhere. Und ich sage Nigeria, to Kongo, to Ghana, to Vietnam. Mm. We will go everywhere. Amen. Und ich sage immer, dass wir überall hingehen werden, dass wir in viele Länder gehen werden und Jesus Christus einfach repräsentieren werden. Moi, je dis toujours qu'on va partir partout. On va représenter Jésus-Christ au Congo, à Nigeria, à Ghana, à Vietnam, überall, partout. Are you getting it, please? Mm. Amen. And we are going to have homes there. Not just visiting. Amen. We are going to have homes there. In those places, in these places. Amen. Und wir werden, God need us. Amen. We need Jesus. Yeah. Amen. Und wir werden nicht nur diese Länder und diese Orte besuchen, sondern wir werden auch eigene Häuser in diesen Orten und in diesen Ländern haben, weil diese Menschen und diese Länder uns brauchen und Christus brauchen. Et dans ces pays que je viens de citer, par exemple, on va pas seulement partir là-bas pour visiter, on va avoir nos propres maisons là-bas pour parce que les gens qui sont là-bas ont aussi besoin de nous. Is it too much to be there for, you know, to be there because of Christ for people in all those places? Und ist es zu viel verlangt, in diesen Orten da zu sein, präsent zu sein für Christus Jesus? Est-ce que c'est trop d'être présent dans ces endroits-là pour Jésus-Christ? It should be a privilege. Es sollte ein Privileg für uns sein. Wir sollten es als Privileg sehen. Ça doit être un privilège pour nous. We should be able to say thank you for choosing us. Und wir sollten Christus sogar dankbar dafür sein, dass er uns für diese Aufgabe auserwählt. On doit être prêt à remercier l'Éternel pour qui, parce qu'il nous a donné, oui, ce privilège d'être là pour lui. We should never be tired. Wir sollten niemals müde davon sein. On doit jamais être fatigué. Amen. Amen. We should not be like these people here. Und wir sollten nicht wie diese Menschen sein. Therefore, the world knew not, because it knew him not. Mm. Now, what about you? Do you know him? Mm. In Vers 1 in Johannes, 1. Johannes 3 lesen wir, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben. Es ist die Frage, erkennst du ihn? Et Dieu nous dit ici à Jean 1, il dit que le monde ne nous a pas, ne connaît, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu l'Éternel. You know, we always say they know him not. But do we know us? Mm-hmm. We know him. Mm-hmm. Wir sagen immer, die Welt erkennt ihn nicht. Die Welt erkennt ihn nicht. Aber die Frage ist, erkennst du ihn? Bist du in der Lage, bist du selbst in der Lage, ihn überhaupt zu erkennen? Nous, on dit toujours, oui, le monde ne connaît pas Jésus-Christ. Mais est-ce que toi, tu connais Jésus-Christ? Tu es toujours capable de le connaître? Amen. Remember Elijah to the widow woman. Give me all your food. Mm-hmm. Erinnert euch an Elia, der zu der Witwe gesagt hat, gib mir dein letztes Essen. Rappelez-vous de Élisée qui a dit à la femme veuve, donne-moi ta nourriture, ce qui, oui, ta dernière nourriture. And Mark 4, Jesus told the woman, give me water. Und in Markus, okay, und in Johannes 4, wo Jesus zu der Frau am Brunnen sagt, gib mir dein irdisches Wasser und ich gebe dir übernatürliches Wasser, das niemals vergeht. Et c'est de la même comme Jésus-Christ dit à la femme qui était là, donne-moi de l'eau et moi je veux te donner de l'eau surnaturelle. You never give him anything vain. Und du gibst ihm niemals etwas umsonst. Tu ne donnes jamais quelque chose à Jésus-Christ en vain. In Mark 10, he said, whatever you leave for my sake and the kingdom's sake. It's a hundredfold return. You see a man that she loved. Und in Markus 10 hat der Herr versprochen, dass alles, was du um seinen Namen willen verlässt, wird er dir hundertfältig, tausendfältig wieder zurückgeben. Ist er ein Mensch, dass er lügt? Nein, er steht zu seinem Wort. Amen. Und Mark 10, il te dit que tout ce que l'être humain va lui donner pour, oui, pour le royaume de l'Éternel, il va lui donner 100,000 fois il va en retour, 100 fois au retour. Et est-ce que l'Éternel est quelqu'un qui ment? One thing you have to do is choose him in everything. Und eine Sache, die du tun musst, ist ihn zu wählen in allem. Mais une chose que tu dois faire, c'est de choisir Jésus-Christ en tout. Amen. Amen. You are in this ministry and you are there for the ministry, you are there for Christ Jesus. Amen. And you are in Christ Jesus. Amen. Und wenn du in dieser Gemeinde bist, und wenn du in dieser Gemeinde bist, dann hast du dich für Christus entschieden und dann bist du auch für Christus da und es, denn es geht hier in dieser Gemeinde nur um Christus allein. Et si tu es dans cette église, tu dois savoir que tu es là pour Jésus-Christ. Il est dans cette église et il est aussi en toi. Praise the Lord. Amen. Et tu le fais pour lui. Because of the meeting and everything today. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Praise Jesus. Amen. Amen. On va, on va finir clôturer ici parce qu'on a Praise the Lord.